Je suis donc très honoré d'avoir été chargé de présenter les conclusions et j'espère ne pas décevoir la confiance qui m'a été ainsi témoignée par les organisateurs. Je salue tout d'abord évidemment les pionniers, les moteurs du programme de recherche dans lequel prend place ce colloque, un programme de recherche de longue haleine, Alain Marchandis et Benoît Pierre. Benoît Pierre avait ouvert la marche avec sa thèse d'habilitation soutenue le 2 décembre 2010 sur la monarchie ecclésiale, tandis qu'Alain Marchandis a été le maître d'œuvre du colloque franco-belge organisé à Lille et à Tournai les 18 et 19 mars 2011. Alors, ces deux journées de 2011 étaient consacrées pour l'essentiel aux grands prélats du Moyen-Âge tardif, évêques et cardinaux surtout, comme acteur du pouvoir. Son champ d'observation géographique se limitait à une exception près, à l'Europe occidentale, avec une prédilection pour les pays latins et notamment pour les pays du Sud et l'État bourguignon. L'horizon du colloque de Versailles 2013 est beaucoup plus vaste à tout point de vue. Il a porté principalement sur l'époque moderne, sur un grand nombre de pays, près d'une quinzaine, et il ne s'est pas limité à l'Église catholique. Des comparaisons ont été faites avec les autres confessions chrétiennes. Et même, on attendait aussi une comparaison avec le monde musulman. Je relève par ailleurs que cette rencontre a été véritablement internationale, en dépit de quelques défections que nous déplorons. Sur les 23 communications qui ont été présentées, 6 seulement sont dues à des historiens français. Cet aspect des choses doit, me semble-t-il, être souligné, car assez souvent on qualifie d'international de nos jours, en France tout au moins, un colloque qui ne compte qu'un ou deux intervenants étrangers. Je voudrais aussi rappeler qu'en novembre 2010, un colloque s'est tenu à Lunéville à l'occasion de la restauration de la chapelle du château, victime d'un grave incendie une dizaine d'années plus tôt, sur le thème « Les chapelles royales et princières », un thème qui n'est pas très éloigné de nos préoccupations d'aujourd'hui, mais dont les actes, malheureusement, ne sont pas encore parus. Et puis, je soulignerai enfin la chance exceptionnelle que nous avons eue, grâce à Mme Béatrix Saul et à Mathieu Davigna, de pouvoir nous réunir dans le cadre prestigieux du château de Versailles, où nous avons reçu un accueil chaleureux du centre de recherche. Et nous pouvons être particulièrement reconnaissants à Alexandre Maral de nous avoir fait revivre in situ, hier soir, les fastes de la liturgie royale célébrées par le clergé de cour dans la chapelle du château. Le colloque nous a donné l'occasion de nous pencher prioritairement, après les évêques et les cardinaux étudiés en 2011, sur le clergé de rang plus modeste, ce qui ne veut pas dire moins influent, et je pense ici notamment aux confesseurs des princes, ce qui nous a amené à définir un certain nombre de notions qui semblaient a priori évidentes, mais qui méritaient d'être clarifiées. La notion de cour a été envisagée dans son acception la plus large. L'argumentaire qui a été diffusé l'an dernier et qui est repris dans le titre même du colloque nous invitait à réfléchir à une thématique bien précise, service religieux et service politique dans les systèmes curiaux, l'aspect religieux dans sa dimension théologique, spirituelle et liturgique, et l'aspect politique dans sa dimension gouvernementale et administrative. Tel a donc été notre fil d'Ariane, la colonne dorsale de nos débats. Le projet privilégie l'étude du centre des cours, mais prend aussi en compte les autres types de missions politico-religieuses confiées à des ecclésiastiques, notamment les missions diplomatiques. Le problème de la distinction entre le rôle politique et le rôle religieux des clergés de cour a été abordé dès la première communication par Birgit Emich. La cour pontificale est un cas que je qualifierais volontiers d'atypique, puisque cette cour est composée à une écrasante majorité de clercs. Cour et clergé ont donc tendance à se confondre. Je dis à une écrasante majorité, car il y avait aussi des laïcs à la cour pontificale. Et je rappelle ici que dans la première moitié du XVIe siècle, par exemple, il y a eu des nonces laïcs. Plus tard, des gentilshommes ont été chargés, encore au XVIIe siècle, ont été chargés de missions ponctuelles auprès des souverains, chargés par le pape, de missions ponctuelles auprès des souverains. D'autre part, dans la seconde moitié du XVIe siècle, les nonces ont été souvent choisis parmi les évêques résidentiels artisans de la réforme catholique, qui ne faisaient pas forcément partie de la cour pontificale. À cette époque, la réforme catholique va de pair avec la diplomatie. Quant aux légats, ils détenaient, outre leur pouvoir purement diplomatique, des pouvoirs canoniques étendus, tout comme d'ailleurs la plupart des nonces, à l'exception notable des nonces en France. Certains en ont fait un large usage, et dans ces conditions, le partage entre le politique et le religieux est difficile à faire. Il faut renoncer à répartir le clergé de la cour pontificale en deux groupes, hein, politique et religieux, et voir plutôt dans l'exercice de leurs fonctions quel usage ils ont fait de chacune de ces catégories de pouvoir. La cour de Rome n'a pas été étudiée seulement par elle-même, mais aussi indirectement dans son rapport avec les autres cours royales et princières. Ainsi, José Martínez Millán a montré que l'introduction de la dévotion des 40 heures à la cour d'Espagne à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, si j'ai bien compris, vient directement de Rome. Je rappelle qu'il s'agit d'une chaîne ininterrompue de prières expiatoires et d'un culte d'exaltation du Saint-Sacrement. Une dévotion qui remonte aux années 1520-1530, mais qui a été établie de façon permanente à Rome par le pape Clément VIII dès le début de son pontificat. C'est précisément à cette époque que les 40 heures ont été établies à la chapelle royale espagnole sous l'impulsion de l'oratoire de Saint Philippe Néri, ce qui n'a rien d'étonnant puisque Clément VIII a eu successivement deux confesseurs oratoriens, Jean-François Bordini et le cardinal Barenius. La cour d'Espagne, si j'ai bien compris, a été l'unique cour de la chrétienté à établir cette dévotion dans sa chapelle, mais cela dit, les 40 heures ont été l'une des dévotions majeures de la réforme catholique, et notamment en France, où ses principaux promoteurs ont été les Capucins. Le thème de la spiritualité de cour a été abordé ce matin même par Frédéric Van Horn, qui nous a offert une image en creux. Les grandes figures du jansénisme ont considéré le clergé de cour, et d'autres, pas seulement le jansénisme, mais d'autres aussi, ont considéré le clergé de cour contre le contre-modèle de l'État ecclésiastique idéal. Ils l'ont rejeté, comme le montre l'exemple de Saint-Cyran ou de celui d'Henri Arnaud ou d'autres évêques qu'il nous a présentés. Prends les exemples de Saint-Cyran et d'Henri Arnaud, mais tous deux présentent la caractéristique commune d'avoir été d'abord des clercs de cour. Henri Arnaud est un magnifique exemple de ces aumôniers du roi dont nous a parlé Éléonore Alquier, puisque devenu ensuite évêque d'Angers, il est resté en charge pendant 40 ans et son épiscopat a été exemplaire. Il n'empêche que pour devenir aumônier du roi, charge aulique, il a certainement profité de la proximité de certains membres de sa famille à cette époque, notamment son frère Arnaud d'Andilly, qu'on vient de citer il y a quelques instants, donc de la proximité de la famille Arnaud avec les milieux du pouvoir, régents et ministres. Nous avons Nous avons retenu la critique acerbe de Jacques-Joseph Duguay, des critiques acerbes des confesseurs du roi, tous jésuites à cette époque, et des cardinaux ministres. Trois grands thèmes ont ensuite retenu principalement notre attention. Les prélats d'État, la chapelle en tant qu'institution, et enfin son personnel et spécialement les confesseurs. Donc je vais reprendre rapidement ces trois points. Les prélats d'État ont été amplement traités jeudi. Ce thème se situe dans le prolongement direct du colloque de Lille et de Tournai, et il a fait l'objet de cinq communications, dont trois portaient sur le XVIe siècle. Cédric Michon nous a présenté une synthèse magistrale sur la présence et l'action des prélats au Conseil dans l'Europe de la Renaissance. Il observe vers le milieu du siècle une baisse de l'importance relative des hommes d'Église au cœur de l'appareil d'État, une sorte de laïcisation ou de décléricalisation du Conseil. Une petite discussion a eu lieu sur le vocabulaire, par suite du développement de la dimension technique et bureaucratique du Conseil. Puis, José Pedro Paiva, nous, en étudiant le cas portugais, a mis en lumière deux points importants. D'une part, l'accession des princes à l'épiscopat dans la première moitié du XVIe siècle, qu'il s'agisse des enfants royaux légitimes aussi bien qu'illégitimes. C'est une pratique qui ne s'est jamais vue à la cour de France, où seuls des bâtards ont parfois été nommés évêques, comme par exemple Henri de Verneuil, le fils d'Henri IV, mais qui existait, une pratique qui existait dans d'autres cours catholiques, notamment chez les Habsbourg ou à la cour de Savoie, ou chez les Médicis à Florence. La France a ici une place à part. Cette occupation massive des diocèses portugais par des princes donne à la notion de prélat d'État dans ce pays une tonalité particulière. José Pedro Paiva a également relevé que l'obligation de résidence faite aux évêques par le Concile de Trente a été immédiatement appliquée au Portugal. Et du coup, je me suis demandé, mais c'est peut-être une interrogation qui n'a pas de fondement bien assuré, si l'on ne pourrait pas voir dans cette prescription conciliaire, précisément, l'une des causes de la décléricalisation des conseils à partir du milieu du XVIe siècle, décrite par Cédric Michon. Alors, bien entendu, on m'objectera que pour la France, cette hypothèse n'est pas pertinente, puisque le Concile de Trente n'y a jamais été reçu officiellement. Mais néanmoins, le Concile de Trente a été pris en considération par la monarchie française. Je pose la question, le Concile n'a pas été complètement rejeté par les derniers Valois, puisqu'ils ont incorporé certaines de ces dispositions dans la législation française. En tout cas, j'ouvre ici une parenthèse pour rappeler que l'obstacle de la non-résidence qui était en contradiction avec les décrets tridentins a été contourné pour les nonces, qui sont désormais tous évêques à partir du troisième tiers du XVIe siècle, par l'attribution habituelle à ces diplomates au XVIIe et au XVIIIe siècle de diocèse in partibus infidelium. Donc, ils ont le caractère épiscopal, mais ils ne gouvernent pas de diocèse. 17e, 18e siècle, il y a quelques exceptions. Hans Kuhls, quant à lui, en observant la situation des Pays-Bas, possession des Habsbourg, note l'absence dans ces provinces de prélats d'État, à quelques rares exceptions près, comme le cardinal de Granvelle, ce qui contraste avec les cours royales de France ou du Portugal, et je crois que nous pouvons conclure avec lui que les prélats d'État sont propres aux grandes monarchies centralisées. Alban Pialou pour la France et Zulmira Santos pour le Portugal nous ont présenté les cas de deux personnages investis de responsabilités politiques importantes, le cardinal de Fleury, principal ministre sans le titre de Louis XV, et le franciscain Gaspard de l'Incarnation. Alban Pialou a mis en lumière, dans le cas du cardinal de Fleury, la position délicate d'un cardinal français qui doit concilier deux fidélités, celle qu'il doit au pape et celle qu'il doit au roi, un équilibre rendu difficile du fait de la tradition gallicane, mais un équilibre, enfin une situation qui a été surmontée par bien d'autres cardinaux avant lui. La correspondance échangée entre Fleury et le cardinal Corsini, neveu du pape, deux membres du Sacré Collège, et qui occupent auprès de leurs souverains respectifs une fonction identique, est très éclairante. La communication d'Alban Pialou nous a rappelé opportunément que la notion de prélat d'État ne se limite pas au XVIe siècle, et qu'en France, par exemple, nous avons eu Richelieu, Mazarin, Fleury, et encore sous Louis XVI, Loménie de Brienne, tous les quatre principaux ministres, mais aussi le cardinal de Bernis, secrétaire d'État des Affaires étrangères et ministre d'État pour peu de temps, à vrai dire, sous Louis XV. Ces cas exceptionnels sont, en quelque sorte, les arbres qui cachent la forêt, ou plutôt l'absence de forêt, puisqu'il reste vrai que la raréfaction des clercs au Conseil du roi, amorcée au XVIe siècle, se confirme pendant les deux siècles suivants. Quant à la figure du franciscain Gaspard de l'Incarnation, grand spirituel, devenu conseiller politique du roi de Portugal, étudié par Zulmira Santos, elle nous montre que dans ce royaume non plus, la fonction de principal conseiller du souverain n'a pas disparu. Certes, il ne s'agit pas d'un prélat, mais ce religieux a joué un rôle comparable finalement à celui des premiers ministres français. J'ai noté au passage qu'il avait entre autres fortement influencé les nominations épiscopales, tout comme le cardinal de Fleury qui tenait la feuille des bénéfices. Voilà pour quelques commentaires que je pensais pouvoir faire sur les prélats d'État, et j'en viens maintenant à un deuxième point, les chapelles royales ou princières en tant qu'institutions. À ce propos, et je reprends ici une remarque formulée par Bernard Dompnier quand il a été président de séance, il y a un aspect qui n'a pas fait l'objet d'une communication particulière, qui n'a été évoqué que très fugitivement. Il s'agit des saintes chapelles royales et princières qui ont été fondées entre le XIIIe et le début du XVIe siècle. Alors, là, c'est en amont de la période que nous avons principalement étudiée. Les saintes chapelles, dont le prototype est la Sainte Chapelle de Paris. Je rappelle que ce sont des chapelles palatines ou castrales fondées par Saint Louis ou un prince de sa descendance et abritant des reliques de la Passion. Voilà pourquoi la chapelle de Versailles n'est pas une sainte chapelle, elle ne détient pas de reliques de la Passion. Si j'évoque ces chapelles étudiées au colloque de Lunéville en 2010, c'est parce qu'elles sont indirectement à l'origine de l'organisation du service des âmes à la cour de France, tel qu'il fonctionne encore au XIIIe, au XVIIe et XVIIIe siècle. En effet, au temps de Saint-Louis, la chapelle royale était celle du palais de l'île de la Cité, mais au XIVe siècle, s'en détache la chapelle privée ambulatoire qui suit le souverain dans ses déplacements, tandis que la chapelle du palais, puis d'autres établies dans les résidences royales, sont dotées d'un personnel fixe. Il en était encore ainsi à Versailles, à l'époque que nous avons étudiée, où coexistent, à partir de 1682, Alexandre Maral nous l'a rappelé hier, deux groupes de clercs, les lazaristes, et puis la chapelle, l'un des services de la maison du roi, avec le grand aumônier de France, les aumôniers, le confesseur, etc., les chapelains. Voilà brièvement résumé, si vous voulez, je voulais évoquer ici les origines de la chapelle des rois de France. Sur les chapelles royales et princières, autres que celles de la cour de France considérées comme institutions, nous avons entendu quatre communications portant sur trois cours, la cour de Bourgogne au XVe et au début du XVIe siècle par Jean-Marie Cauchy, qui, en s'appuyant sur les ordonnances du XVe siècle, a reconstitué des organigrammes parfaitement clairs et répertoriés des fonctions, offrant ainsi un cadre applicable aussi à d'autres pays et qui a pu éclairer notre réflexion. Nous avons également une communication sur la cour de Savoie du XVIe au XVIIIe siècle par Paolo Cozzo, et la cour d'Espagne sous les Habsbourg a fait l'objet de deux communications, l'une sous les Habsbourg pour les Habsbourg au XVIIe siècle par José Eloy Hortal et une autre sur la chapelle du premier roi Bourbon, des premiers rois Bourbon, Philippe V et Ferdinand VI, au début du XVIIIe siècle par Marcello Luzzi. Ces deux dernières interventions nous ont permis de mesurer les transformations qui ont affecté l'institution à la suite du changement de dynastie. J'ai été frappé, nous l'avons tous été, je suppose, par les effectifs pléthoriques de la chapelle de Philippe IV, divisée de surcroît entre la maison de Bourgogne, de loin la plus nombreuse, et la maison de Castille. Puis nous avons observé les réductions opérées par Philippe V et Ferdinand VI en 1701, 1739, 1749, dans un souci d'économie, avec la suppression de la distinction entre les deux maisons. Quant à l'étude du personnel, donc voilà pour les chapelles en général. Quant à l'étude du personnel, elle a fait une large place aux confesseurs, mais nous avons aussi entendu parler des prédicateurs et des aumôniers. Paradoxalement, la charge de confesseur, qui a été la plus étudiée finalement dans notre colloque, est aussi la plus difficile à appréhender puisque, comme on l'a souligné, dans son exercice, par définition, tout ce qui relève du fort interne échappe à l'historien. On doit donc se contenter d'une connaissance extérieure, institutionnelle, sociale, intellectuelle, de cette catégorie de clercs. Bien entendu, la première cour qui a été traitée jeudi matin est la cour pontificale dont nous a parlé Birgit Emich et dont aurait dû nous parler Maria Antonietta Wischelia. J'attendais avec impatience la communication de Maria Antonietta Wischelia sur les confesseurs du conclave dont le seul titre stimulait l'imagination. Je ne m'étais jamais avisé qu'il avait existé des confesseurs du conclave. Alors, de quoi s'agit-il ? S'agit-il de clercs choisis personnellement par les cardinaux ou mis à leur disposition par l'administration pontificale ? Y a-t-il un confesseur pour chaque cardinal ou pour plusieurs ? Donc, j'attends maintenant avec impatience le texte écrit qu'elle nous a promis. Mais nous sommes obligés de rester sur notre faim. La plus grande partie de l'après-midi d'hier a été consacrée à d'autres catégories de confesseurs et nous avons pu ainsi procéder à de fructueuses comparaisons et faire émerger ressemblances et différences. J'ai retenu plus particulièrement quelques points, mais on a dit beaucoup de choses, toutes ces communications ont été d'une extrême richesse, donc je ne peux que résumer. Tout d'abord, j'ai bien aimé cette appréciation que le père Donat de Nancy, étudié par Fabienne Henriot, donne de sa charge. Le confesseur, selon lui, est celui qui, je rappelle, je cite, « tient Dieu en ses mains et son souverain à ses pieds ». Très belle définition du confesseur. Nous avons pu distinguer deux grands types de confesseurs, le confesseur juge, trois types, le confesseur juge, le confesseur prophète, le confesseur conseiller. En France, le confesseur ne joue pas un rôle politique. Et quand il le fait, il est disgracié. Et c'est ce qui est arrivé au père Caussin dont nous a entretenu Nicole Reinhardt. Le confesseur conseiller politique, en revanche, joue un rôle à la cour impériale, en Espagne, en Lorraine. Le confesseur, presque partout, est un régulier, parfois, comme c'est le cas aux Pays-Bas, titulaire en outre d'un diocèse, d'un titre in partibus. Dans tous les cas, nous avons noté l'extraordinaire variété des ordres religieux représentés. À la cour de Bruxelles, au XVIIe siècle, étudié par Pierre-François Pirlet, j'ai relevé en alternance cinq catégories différentes, dominicains, franciscains, augustins, carmes, jésuites, tous nommés par le gouvernement espagnol et la plupart revêtus de hautes responsabilités au sein de leur ordre. Des études de cas, comme celui du jésuite Lamormaini auprès de l'empereur Ferdinand II, était étudié par Étienne Bourdon, ont permis de déceler que telle ou telle individualité pouvait être cause de discorde à l'intérieur même des ordres et entre les États, et en l'occurrence, situation inattendue, entre les deux souverains Habsbourg. Je me permets d'insérer ici une remarque un peu personnelle, mais je suis frappé par l'importance du règne du pontificat de Clément VIII. C'est l'époque où les 40 heures sont introduites à la cour d'Espagne, si j'ai bien compris la communication. C'est l'époque où Bellarmin publie son traité des confesseurs. Le Clément VIII a pour confesseur, donc, je l'ai dit tout à l'heure, deux oratoriens successifs. Et puis Clément VIII a canonisé, n'a fait que deux canonisations pendant tout son pontificat, et ce sont tous les deux des dominicains, Saint Raymond de Peñafort et Saint Hyacinthe. Il me semble qu'il y a là un faisceau d'indices qui permettent d'attribuer à Clément VIII un rôle particulier dans l'histoire de l'Église à l'époque moderne. Le confesseur du duc Charles IV de Lorraine a été étudié par Fabienne Henriot, je l'ai dit. Il a Et ce confesseur a été en même temps prédicateur. Deuxième catégorie de personnel qui a retenu l'attention des intervenants, mais à la cour d'Espagne au XVIIIe siècle, comme l'a montré Marcelo Luzzi, une fusion s'opère entre prédicateur et aumônier. Donc on observe dans un cas comme dans l'autre un processus de rationalisation, de simplification, mais avec des modalités différentes. Birgit Emich a évoqué le prédicateur à la cour pontificale, mais c'est surtout dans les cours princières protestantes que les prédicateurs, porteurs de la parole de Dieu, ont pris tout leur relief, et j'y reviendrai dans un instant. Enfin, nous avons eu une communication entièrement consacrée aux aumôniers en France, celle d'Éléonore Alquier, qui a tracé à partir d'un échantillon de 20 personnes un portrait collectif de ce groupe ecclésiastique caractérisé à la fois par la détention d'une charge aulique et par la possession de bénéfices extérieurs à la cour. J'ai retenu, entre autres, que ces charges ont été souvent un marchepied pour accéder à l'épiscopat, comme ce fut le cas, par exemple, pour Henri Arnault. En guise d'épilogue sur ce deuxième thème de la chapelle, n'est-ce pas, et de ses membres, de la chapelle et des confesseurs, j'ai eu l'idée, pour mon information personnelle, mais je vais vous en faire part, d'ouvrir l'almanach royal, un almanach royal de la fin de l'Ancien Régime, celui de 1778. Alors, j'ai trouvé la chapelle à la rubrique Maison du Roi, c'est le premier service de la Maison du Roi, bien entendu. Il y a le grand aumônier, le premier aumônier, l'aumônier ordinaire, deux maîtres de l'oratoire. C'est une fonction dont on a très peu parlé. Il me semble qu'elle a été évoquée une fois ou deux épisodiquement. Mais donc, deux maîtres de l'oratoire, dont l'un, l'abbé Maudoux, est confesseur du roi. Nous sommes après 1763, donc il n'y a plus de jésuites en France. Et le roi, confesseur du roi est un séculier. Et c'est l'un des deux maîtres de l'oratoire. Il y a les huit aumôniers par quartier. C'est bien ce qu'on nous a... Éléonore Alquier nous a expliqué, un chapelain ordinaire et huit chapelains par quartier. Les prédicateurs n'y figurent pas. En effet, en France, le prédicateur, ou plutôt les prédicateurs, ont un statut à part, contrairement aux confesseurs, aux aumôniers et aux chapelains. Ce ne sont pas des officiers de la chapelle et de la maison du roi. Au XVIIIe siècle, vous le voyez, ils ne figurent pas dans la manière royale. Le roi choisit ses prédicateurs à son gré parmi des membres du clergé. Il suffit d'avoir prêché une fois à la cour, souvent des réguliers d'ailleurs, il suffit d'avoir prêché une fois à la cour pour porter le titre de prédicateur du roi. Et celui qui a prêché plusieurs fois, par exemple pendant tout un avant ou tout un carême, prend le titre de prédicateur ordinaire du roi, mais ils ne font pas partie organiquement de la chapelle. Donc au total, donc en 1778, j'ai compté 22 personnes, 22 officiers dans la chapelle royale. Mais il faut y ajouter la maison de la reine, la maison de monsieur, la maison de monseigneur le comte d'Artois, les filles, les tantes du roi, les filles de Louis XV, il y en a encore trois à cette époque, Adélaïde, Victoire et Sophie. Bref, si on met tout ensemble toutes ces chapelles, on arrive à un total de 80 personnes. Voilà donc une petite indication statistique au passage. Avant de passer à un autre aspect très important de notre colloque, c'est la confrontation interconfessionnelle. 5 communications ont été ou auraient dû être consacrées à une comparaison entre le clergé des cours catholiques et celui des autres cours chrétiennes, et même avec l'islam dans le cadre de la cour de Constantinople. Donc ces communications étaient prévues, nous en attendions beaucoup. Malheureusement, il y a eu une ou deux défections, et il faudra attendre la publication des actes pour profiter pleinement de cette rencontre qui promettait d'être riche et stimulante. Alors, je vais néanmoins essayer, dès maintenant, de donner un aperçu de ces 5 contributions nous en avons entendu trois, je crois, qui portent toutes sur le XVIe siècle, d'après les résumés qui nous ont été envoyés par les intervenants. Alors, Mathias Meinhardt, que nous avons entendu ce matin, qui est conservateur à la bibliothèque du duc Auguste à Wolfenbüttel, a étudié le théologien luthérien Basilius Sattler pendant les 38 années où il a été prédicateur à la cour du duc de Brunswick-Wolfenbüttel, une fonction qu'il a cumulée avec celle de, je ne sais pas quel est le terme exact en français, de directeur, chef, président, je ne connais pas bien le terme approprié, qui le faisait membre du gouvernement ducal. Donc cette double charge lui a conféré une autorité particulière dans le domaine politico-religieux, puisqu'il a contribué à la définition du dogme et de l'organisation de cette jeune église luthérienne, à la mise en place du système éducatif et même aux affaires étrangères. Sa fonction de prédicateur de la cour lui conférait une autorité qui le mettait en position d'exercer par ailleurs une action politique et sociale efficace, et l'autorité et le pouvoir se renforçaient ainsi mutuellement. Alors, je n'insiste pas davantage, puisque nous venons d'entendre précisément ce matin même l'orateur lui-même, mais je note quand même que, pour ma part, cette situation peut être rapprochée de celle des cardinaux ministres et des prélats de cour en France, en Espagne ou en Angleterre, à cette différence près que les prélats de cour n'étaient pas tous théologiens. Le cas de Richelieu, auteur d'un traité de la perfection du chrétien, est plutôt rare. Je note d'autre part qu'on ne trouve pas d'exemple dans les cours catholiques de personnages aussi influents à ce degré, somme toute subalternes de la hiérarchie ecclésiastique. Sauf certains confesseurs dans certains cas. L'importance du prédicateur auprès d'un prince luthérien me paraît intéressante dans la mesure où, justement, la parole de Dieu occupe une place tout à fait à part, tout à fait en vue et particulière dans la liturgie de cette confession. Alors, nous espérions entendre Louise Schoenschütte de l'université Goethe à Francfort-sur-le-Main. Elle travaille sur le XVIe et le début du XVIIe siècle, donc à la même époque que précédemment. Et elle confirme, dans une approche globale, les analyses et les conclusions de Mathias Meinhardt et constate, dans les cours des principautés allemandes protestantes, qu'elle compare avec la cour royale de Pologne, l'interaction de la fonction théologique et religieuse et du pouvoir politique. Nous avons entendu hier Michel Dmitrieff, qui a traité de la cour du tsar au XVIe siècle, qui nous a brillamment montré la place éminente qu'occupe l'empereur dans la vie religieuse, dans une situation qui n'est autre que la perpétuation de l'ecclésiologie byzantine, de même que les 8 premiers conciles écuméniques ont été convoqués et présidés par l'empereur byzantin, de même le tsar, même très jeune, comme ce fut le cas d'Ivan IV, face au clergé de sa cour, doit statuer sur l'interprétation des Écritures. Il y a confusion totale, symphonie, entre l'Église orthodoxe et la monarchie, entre le confessionnel et le politique, entre le temporel et le spirituel, entre le sacré et le profane. La communication de Malcolm Smuts que nous venons d'entendre est consacrée à un cas spécifique, celui du clergé anglo-écossais à l'époque de l'union des deux couronnes au début du XVIIe siècle, quand Jacques Ier se préparait à succéder à Élisabeth. Je passe très rapidement puisque nous venons de l'entendre. Et je résume simplement en disant que les négociations qui ont eu lieu à cette époque entre les deux cours pour préparer le changement dynastique sur le plan religieux et le succès du clergé et ces négociations se sont soldées par le succès du clergé de la cour d'Angleterre qui a réussi à maintenir la constitution d'Élisabeth de 1559. C'est une situation qui est évidemment d'autant plus complexe que, outre les religions des deux souverains ou de la vieille reine à la veille de sa mort et de son successeur présumé, eh bien, la reine Anne de Danemark, elle, était catholique, ce qui a donné à l'époque des espoirs au Saint-Siège. Nous aurions dû terminer avec la communication de Metin Kunt de l'université Sabancı à Istanbul, qui devait nous ouvrir des perspectives sur un monde tout à fait différent, le monde musulman et la cour du sultan de Constantinople. Le personnage central du service religieux à la cour, qui me semble correspondre assez bien, si j'ai bien compris, au prédicateur dans les cours des princes protestants d'Allemagne, c'est l'ouléma, c'est-à-dire le docteur de la loi, le théologien. Or, les oulémas pouvaient accéder à l'origine à la fonction politique de vizir, mais celle-ci passe au XVe siècle au chef militaire. Donc les oulémas, eux, continuent de siéger dans le conseil impérial et ils peuvent jouer un rôle important sur le plan politique, aussi bien au temporel qu'au spirituel, en exerçant par exemple les fonctions de précepteur ou de chapelain auprès du sultan, lequel entretient volontiers une certaine émulation ou une alternance entre les officiers de diverses origines. Voilà donc les commentaire que je pense, que j'espère n'a pas avoir commis de confusion ni d'erreur. Voilà mes réactions après avoir étudié et écouté ce beau colloque. Alors pour conclure, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Joe Bergin qui le rappelait, n'est-ce pas ? C'est une étape, ce colloque est une étape dans un programme de recherche de longue haleine qui devrait encore mobiliser les chercheurs pendant de longues années. Après, il est donc... On peut faire des suggestions, imaginer des suites. La première suggestion serait une extension chronologique. D'abord, les communications que nous venons d'entendre n'ont pas été également réparties dans le temps. En dehors des communications diachroniques, comme celle de Birgit Emich ou de Marie-Antonietta Vichelia, telle qu'on peut la supposer, 8 interventions ont porté sur la fin du XVe et le XVIe siècle, 9 sur le XVIIe et 3 seulement sur le XVIIIe siècle. Donc il y a un petit déséquilibre qu'on pourra corriger, je pense, à l'avenir. D'autre part, il me semble qu'il serait fort intéressant de prolonger au-delà du XVIIIe siècle et d'aborder les deux premiers tiers du XIXe siècle, où il y a eu encore des cours, la cour impériale, la restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, avec une vie de cour, un clergé de cour qui mériterait d'être étudié pour lui-même. Ce serait l'affaire des contemporanéistes. Et je pense que ça pourrait être un sujet fort intéressant. Et si on veut pousser encore plus loin, on pourrait dire... J'ai noté au passage, je rappelle, que par exemple, le pape Pie IX a été accepté d'être le parrain du prince impérial. Il a envoyé un légat, exactement ce qui s'était produit en 1606 pour le baptême du futur Louis XIII et en 1668 pour celui du grand dauphin. Voilà. Donc vous voyez, il y a des continuités. Et puis je rappelle aussi, mais c'est pour l'anecdote, que jusqu'au temps du général de Gaulle, il y a eu une chapelle à l'Élysée. Maintenant, elle existe toujours, mais elle sert à toute autre chose qu'une chapelle. Je suggérerais aussi une extension thématique. Il me semble que dans le programme, que parmi les thèmes qui nous ont été proposés dans l'argumentaire initial, il y a quelques points qui n'ont pas été vraiment explorés, les résidences, les arts, le mécénat, les spectacles de cours. Donc voilà des points sur lesquels on pourrait peut-être à l'avenir discuter. Alors, bien entendu, ce ne sont là que des suggestions. Notre colloque a été très riche, très bien rempli. Nous pouvions difficilement faire plus. Je crois qu'il faut en féliciter les auteurs des communications et les organisateurs qui ont eu à faire face aux difficultés et aux imprévus et qui méritent bien qu'on les applaudisse.